À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. La direction du club de golf de Chibougamau, Chapaille, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Normand Lafrenière, gérant des ambassadeurs de Chibougamau. À mon nom personnel et du bureau de direction des ambassadeurs de Chibougamau, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos partisans. Paix, bonheur, santé et prospérité, ce sont les vœux des ambassadeurs de Chibougamau de la Ligue de hockey midget régionale. Le golfeur Pierre-Alexandre Bédard est dans un tournoi à Miami actuellement. C'est probablement l'un de ses plus gros tournois en carrière. Question de savoir comment ça va, on lui parle. Salut Pierre-Alexandre. Salut Pierre-Alexandre, c'est ton plus gros tournoi que tu participes à de ta carrière? Effectivement, c'est le plus gros tournoi que je joue présentement depuis que je joue au golf. Okay. Le championnat canadien amateur qui est un autre très gros tournoi quand même. Considéré 55e plus gros tournoi au monde. Puis le tournoi que je joue présentement à Miami est considéré 14e plus gros tournoi au monde. Donc c'est sûr, c'est de loin le plus gros tournoi que je joue, le plus gros field, comme on peut dire, des joueurs de partout, des joueurs très très bien classés qui ont joué, qui ont même joué le US Open l'an dernier, puis l'année d'avant, vraiment des très bons joueurs. Puis là, ça va bien, au moment où on enregistre l'entrevue, t'es 50e, c'est ça? Exactement. Présentement, il y a trois rondes de jouer. J'ai joué la première ronde 74 dans des conditions très difficiles. Il y avait des gros vents. C'était pas facile. Des positions de drapeau aussi qui étaient compliquées. Okay. Deuxième ronde, c'était assez bien. J'ai joué 73. Fait un aigle au 15e trou qui m'a permis de faire la coupure. Okay. J'ai passé la coupure à plus 6 et puis j'ai joué plus 6. Donc j'ai terminé pile sur la coupure. Et puis aujourd'hui, j'ai joué une ronde de plus 1 qui me fait descendre 50e au classement sur 210 joueurs. Dernière ronde demain à 9h10 pour moi. Donc on va espérer, là, le classement est quand même très très serré. Une bonne ronde demain, je peux aller chercher quand même encore un top 30. C'est très très accessible pour moi. Okay. On verra comment ça va se passer, mais je suis quand même très confiant de jouer bien jouer encore c'est, demain. C'est quoi ton objectif vraiment, ton objectif dans ce tournoi-là? C'était quoi, hein? Je me suis préparé pas mal depuis les fêtes pour ce tournoi-là. C'est sûr qu'au départ, j'avais vraiment l'intention de vouloir faire la coupure. Ça, c'était le plus gros objectif. Un coup, la coupure fait, j'allais me fixer d'autres objectifs par rapport à comment la game était et par rapport à comment j'ai habitué au terrain de golf. Présentement, c'est sûr que demain, mon objectif précis, c'est le top 30. Avant le tournoi, c'était de faire la coupure simplement. Il y a vraiment des très bons joueurs. Puis, je grandis là-dedans, je prends de l'expérience. Le prochain tournoi que je vais jouer aussi gros, je vais être capable de me fixer de meilleurs objectifs. Puis, il y a un début à tout. Fait que, non, je suis quand même très satisfait de mes performances pour ce tournoi. C'est bel augure, puis on voit qu'il y a une très belle amélioration pour moi dans ma partie. OK. Est-ce que les terrains, comment sont les terrains? Les terrains là-bas, Terrains sont pas si longs. Présentement, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de placement de coups, des verres qui sont très très rapides, qui roulent aux alentours de 12 présentement, des verres qui sont quand même assez très fermes. Donc, positionnement de balle sur le green doit être pris en considération. Fait que c'est sûr que ça rend la tâche assez compliquée. Puis les verres autour des greens, le fairway est très très court aussi. Fait c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. La balle roule beaucoup. On a de la misère à faire arrêter la balle, où ce qu'on veut. Donc c'est ça le plus dur. Mais vraiment le vent dans les dernières semaines m'a vraiment tout changé la game. La première journée, surtout, c'était des vents de 35-40 km à l'heure, très constants, avec des rafales à 50. Donc, parfois, c'était 3 à 4 bâtons de plus par shot. Mm. Donc, c'est ça a rendu la tâche plus difficile. Mais pour ce qui est des terrains de golf, c'est vraiment la vitesse des verres. Puis, exact, la vitesse des verres, c'est vraiment le plus difficile. Quand tu participes à un tournoi de même, tu vois vraiment, est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es... parce que c'est ta plus grosse compétition. Est-ce que tu chasses... est-ce que tu t'es senti nerveux dès ta première journée ou ça a bien été quand même? Ça a quand même très bien été. Je t'avoue qu'il y a toujours une petite nervosité qu'on a sur le trou numéro 1 en partant. Premier trou du tournoi, on sait que c'est un tournoi d'importance, on veut bien faire. Mais après le premier trou, normalement, ça se passe très bien. Pour moi, cette semaine, ça a été très bien. Par rapport à mes autres tournois dans le précédent, j'ai pris de l'expérience. C'est là un peu que je parle beaucoup d'expérience avec toi. Puis c'est là que ça me sert. J'arrive dans les tournois comme ça. Puis même si c'est un gros tournoi, je suis capable de gérer ce stress-là, m'en servir comme adrénaline, comme stress pour mieux performer. Puis non, ça va très bien. C'est sûr qu'hier aussi, hier dans la deuxième ronde pour faire la coupe de touche, je savais que j'allais serrer, je savais que j'avais bien performé, puis au contraire, je me suis très très bien servi de mon stress pour faire un egg au tour numéro 15, deux super coups sur un par 5 très très long. Je suis vraiment content comment que du côté stress, c'était meilleur pour moi, je pense que je me suis servi beaucoup positivement. Hey, dis-moi, là tu es en Floride, comment ça va ton expérience de la Floride là? C'est sûr que c'était pour parler pendant un petit bout de temps. Ça va-tu bien? Ça va-tu comme tu t'avais prévu? Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tes journées, à part que tu joues au golf, tu ne joues que ça? Je fais ça à tous les jours. J'ai un horaire fixé d'avance. Okay. C'est sûr que parfois, ça peut être un petit peu variable là, par rapport à mes tournois, à mes rondes d'entraînement. Je m'en vais le matin, je m'en vais au club de golf. Je suis membre d'un terrain de golf à Orlando, du nom de Champions Gate. Très bel endroit pour pratiquer et puis améliorer mon golf. J'ai joué quelques tournois aussi durant l'automne. J'ai joué trois tournois, deux tournois de deux jours, puis un tournoi d'une journée. Donc, c'est sûr que je planifie mes journées avec ça. J'ai pris quelques journées de repos quand même après mes tournois pour me rafraîchir la tête, faire de bonnes rétroactions, de vraiment comprendre ce qui se passe derrière ma game présentement, puis de pouvoir pratiquer et puis de perdre le moins de temps possible avec ma game. Donc c'est pas mal ça pour moi. Présentement, là, c'est vraiment mon dernier tournoi avant les fêtes. Je vais retourner chez moi pour quelques semaines, puis retourner en Floride là, après tu les fêtes. Les fêtes. Tu passes les fêtes en Floride, j'espère. Tu passes pas les fêtes à Chibougamau? Je passe les fêtes, dans le fond, ma famille est avec moi présentement à Miami. Ouais. Donc on va passer Noël ensemble à Miami. Puis on va retourner à Chibougamau chez moi. Ça fait quelques temps que j'ai pas été là. Donc je vais aller passer le jour de l'an puis faire un petit fouet avec la famille. Ça va faire du bien un petit peu, changer les idées pour revenir après les fêtes prêt puis embarquer avec mon sac de golf. La motoneige, t'aimes ça? La motoneige, à vrai dire, j'en fais pas souvent. Okay. J'ai hâte, c'est sûr, de retourner jouer un petit peu au hockey sur la patinoire extérieure, puis de voir mes amis me faire du fun un petit peu dans la neige. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la neige. Ben, Pierre-Alexandre, félicitations encore une fois pour ta performance. On va te suivre de très, très près. C'est sûr que là, je vais être là, puis je serai pas là. C'est sûr qu'il va y avoir un paquet d'entrevues dans le temps des fêtes, mais c'est des entrevues qui vont être enregistrées avant la période des fêtes, mais on va se reparler dès le début de 2016, savoir comment c'est été. Il n'y a aucun problème, Denis. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis, c'était de joyeuses fêtes à toi. Pierre-Alexandre Bédard, le golfeur de Chibougamau.